franceinter.fr. Ça a été la plus grande erreur militaire des États-Unis dans leur lutte contre Al-Qaïda. C'est en tout cas l'avis d'un éminent journaliste anglo-saxon, Jonathan Randall, auteur d'une biographie de Ben Laden. Il s'agit en effet de la très mystérieuse et inexplicable disparition du leader terroriste alors qu'en décembre 2001, il était localisé à Tora Bora, dans les montagnes du sud de l'Afghanistan, et que sa capture par les forces spéciales semblait imminente. Pourquoi Ben Laden a-t-il réussi à échapper à ceux qui le pourchassaient? L'homme le plus recherché au monde a-t-il bénéficié de complicité? Ou a-t-il pu corrompre certains seigneurs de la guerre afghans qui leur ont laissé filer? Ou bien encore, faut-il parler d'incompétence du commandement américain, à moins que cette faute ne cache des motifs moins avouables? Monsieur X décrypte cet épisode qui a permis à Ben Laden de parfaire sa légende et de gagner 10 ans de vie, puisqu'il ne sera abattu par un commando états-unien qu'en mai 2011. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. 5 jours après les attentats du 11 septembre, George Bush promet de tout mettre en œuvre pour débusquer Ben Laden et ses partisans, et je cite, « de les faire sortir de leur trou comme des rats enfumés ». On pense alors que Ben Laden se trouve en Afghanistan. Où il a implanté plusieurs camps d'entraînement d'Al-Qaïda et où il se trouve sous la protection du régime des talibans. Ouais. Les Américains vont donc attaquer l'Afghanistan. Ce sera l'opération Justice Immuable, une formidable intervention militaire et une coalition internationale d'une ampleur jamais vue depuis la première guerre du Golfe. Mais dès le mois d'octobre, alors que commence une campagne de bombardement, des forces spéciales américaines sont sur place en Afghanistan. Et au mois de novembre, des troupes régulières s'installent à Bagram, une gigantesque base militaire autrefois occupée par les Soviétiques, tandis que les troupes de feu, le commandant Massoud, entrent dans Kaboul. Et pendant ce temps, alors, où se trouve Ben Laden? Pas facile de reconstituer son emploi du temps, comme vous pouvez l'imaginer. Alors que sait-on? Ou plutôt, que savent les services secrets qui ont reçu mission de le traquer? Début octobre, la chaîne Qatari, Al Jazeera, diffuse une vidéo enregistrée de Ben Laden. Le terroriste se trouve dans une grotte. Il affirme approuver les attentats du 11 septembre. Mais il ne revendique pas la responsabilité. C'est exact. Et il appelle tous les musulmans au djihad contre l'Amérique. Ça signifie qu'il pense encore que ses alliés talibans sauront résister avec succès à l'inévitable intervention de l'Occident en Afghanistan. Et il devrait bientôt déchanter. Et cette grotte-là, où il est filmé, où peut-on la situer? Pas n'importe où. Et si vous voulez mon avis, c'est du cinéma. Ben Laden se présente comme un homme de terrain, un résistant. En tout cas, quelques semaines plus tard, au début novembre, il semble que Ben Laden se trouve encore à Kaboul. Ouais, mais bientôt, l'Alliance du Nord va pénétrer dans la capitale afghane. Et un peu partout, les talibans cèdent du terrain. Ben Laden doit donc fuir. Oui. À noter que l'un de ses principaux lieutenants, Mohamed Atef, sera tué par un bombardement alors qu'il quittait précipitamment Kaboul. Accompagné de quelques centaines de combattants fidèles, en majorité des Arabes, Ben Laden se dirige donc vers l'Est et la frontière pakistanaise. Le 10 novembre, il est présent à Jalalabad. Il y prononce un discours devant plusieurs centaines de chefs pachtounes. C'est Pachtoun, l'ethnie majoritaire en Afghanistan. Et dans le nord du Pakistan. Ah, ouais. Et que dit-il à ses chefs de tribu, là? Il prêche l'unité face aux envahisseurs états-uniens. Et il affirme qu'ils seront repoussés et chassés comme les Russes l'ont été quelques années plus tôt. Il est écouté. Il semble qu'il ait été acclamé. Puis comme l'argent pèse plus lourd que n'importe quel discours, il distribue quelques liasses de roupies pakistanaises avant de reprendre la route à la tête d'un impressionnant convoi de 4x4. Vers où se dirige-t-il alors? Vers les montagnes de Tora Bora. Tora Bora, ça veut dire poussière noire. Et effectivement, ce massif de haute montagne offre un spectaculaire décor de roches noires. Ben Laden connaît bien les lieux. Il s'y est déjà réfugié à l'époque de la guerre des Moudjahidines contre l'armée rouge. Familier de la région, il a même habité une maison au pied de la montagne de Tora Bora. Et selon certaines informations, cet ancien ingénieur aurait fait construire une route traversant la montagne et rejoignant la ville de Jalalabad. Alors on a dit qu'il avait édifié dans ces montagnes, creusé de nombreuses grottes, une vraie citadelle. Oui, je sais. Et pardonnez-moi de vous le dire aussi crûment, mais on a raconté n'importe quoi à propos des installations de Tora Bora. Songez qu'on a prétendu que Ben Laden a fait construire au sein de ces montagnes un immense sanctuaire souterrain doté des installations les plus modernes et dont les issues étaient protégées par des portes d'acier blindé. En fait, on se rendra compte plus tard, tout cela était parfaitement faux et les aménagements des grottes étaient plus que sommaires. Alors pourquoi ces mensonges ? Pour justifier préalablement l'importance des frappes aériennes sur Tora Bora, mais aussi pour accréditer la dangerosité de ce nouveau cerveau du mal. Ne vous étonnez pas, ces affabulations sont du même tonneau que la mystification qui alléguait, lors de la première guerre du Golfe, que Saddam Hussein possédait la 4e armée du monde. Et d'ailleurs, derrière ces manœuvres de désinformation, il y a les mêmes hommes. Les ultra-conservateurs états-uniens, avec à leur tête Dick Cheney, devenu le vice-président de Bush Jr., après avoir été le secrétaire à la défense de Bush Sr. D'énormes mensonges, ouais. Mais est-ce que les services secrets ont la certitude que Ben Laden et les siens se trouvent bien dans ce réseau de grottes de Tora Bora ? Oui, des renseignements humains, mais aussi des écoutes sans doute réalisées grâce à des satellites espions attestent que Ben Laden est présent à Tora Bora dans les premiers jours du mois de décembre. Mais il y était certainement arrivé aussitôt après son départ de Jalalabad. Ce qu'a confirmé Dick Cheney à fin novembre. Cheney, par ailleurs très confiant et qui fanfaronne. Ben Laden a bien peu de chances d'en réchapper. Alors, concrètement, que faire ? La CIA décide d'envoyer une petite équipe. But de la mission ? Procéder à des repérages. Mais préalablement, dès la mi-novembre, l'aviation états-unienne procède à des bombardements de la zone de Tora Bora. Et l'objectif ? Décimer les troupes de Ben Laden. Ouais, mais ce sont des frappes un peu aléatoires, là, à l'aveuglette. Et je suis d'accord. Mais les Américains mettent le paquet, si vous me permettez cette expression. Tout au long de ces missions de bombardement effectuées par des F-14, des F-16 et aussi par les fameux B-52 utilisés autrefois contre le Nord-Vietnam, des munitions énormes vont être larguées. Des bombes dont certaines pèsent plusieurs tonnes. Oui, qui provoquent donc des dégâts considérables. Et en outre, il faut compter avec les sous-projectiles qui essaiment sur les flancs de la montagne. Mais la conséquence d'un tel déluge de feu et de fer ne va-t-elle pas obliger Ben Laden et ses combattants à fuir la zone ? C'est la vraie question. Car ces bombardements sont pratiqués alors même qu'on n'a pas encore envisagé de boucler le secteur. Bref, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est ce qui apparaît aux chefs militaires les plus lucides et aux rares agents de la CIA ou des militaires des forces spéciales présents sur le terrain. Avant, est-ce que les Américains disposaient alors de troupes susceptibles de pouvoir encercler les montagnes de Tora Bora ? Écoutez, je ne sais pas s'ils en avaient assez. Mais ils pouvaient quand même disposer de la 10e division de montagnes déjà présente en Afghanistan. Puis il y avait aussi un millier de Marines qui venaient de se déployer dans la province du Helmand, à 700 km de Tora Bora. Et aurait-il été possible de les acheminer jusqu'à Tora Bora ? Ça n'était pas du tout impossible. Mais ça n'a pas été fait. Alors, pourquoi ? D'abord, il faut remarquer qu'il y avait dans le camp américain de nombreux désaccords sur la tactique à adopter, à cause en particulier de la disparité des unités qui ont été engagées à Tora Bora. Les agents de la CIA, par exemple, s'opposaient aux officiers des forces spéciales. Il faut dire aussi que les quelques Britanniques présents n'appréciaient guère la tutelle de leurs amis états-uniens. Mais je vous propose de voir cela dans le détail un petit peu plus tard. D'accord, mais quelles ont été les conséquences de ces chamailleries ? On a perdu beaucoup de temps. Toutefois, il existait deux autres raisons qui expliquent la curieuse attitude des Américains. D'abord, au Pentagone et à la Maison-Blanche, on restait traumatisé par le dramatique désastre de l'opération Restore Hope en Somalie. Donc on n'avait pas vraiment envie d'engager des troupes au sol. Même pour capturer Ben Laden ? Oui. La deuxième raison est plus étonnante, surtout quand on connaît la suite. Le commandement états-unien a prétendu qu'un trop grand afflux de troupes étrangères risquait de mécontenter leurs alliés afghans. Oui, un scrupule qui n'a pas empêché Washington d'envoyer un peu plus tard des dizaines de milliers de GIs en Afghanistan. Hein. C'est pourquoi je ne crois pas à cet argument. Alors, je vous répète la question là, que je vous ai posée tout à l'heure. Comment faire? Eh bien, confier le boulot à des Afghans. Rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué la légende de la citadelle de Ben Laden de Tora Bora. Illustration. Dans le récent et dernier livre de Richard Labévière, Vérité et mythologie du 11 septembre. Le New York Times, aussitôt repris par la presse européenne, affirme que les montagnes de Tora Bora abrite un gigantesque complexe souterrain ultra sophistiqué. On pourra lire alors des descriptions dignes d'un roman de Jules Verne. Ainsi, selon Roland Jacquard, l'éminent Ben Ladenologue français, le repère de l'ennemi public numéro un ressemble à la forteresse du docteur No, avant sa destruction par l'agent 007. Des kilomètres de coursives électrifiées, bourrées d'informatique, d'ascenseurs et de radars. Or, après avoir fouillé de fond en comble ce site de Zahour Kili, englobant une zone de 3,5 km de diamètre et une cinquantaine de grottes, les forces spéciales américaines exhumeront de ce trou à rats des caisses de munitions, quelques archives des camps d'entraînement d'Al-Qaïda et les épaves de deux blindés soviétiques. Alors, vous avez dit, on va confier le travail aux Afghans, mais à qui exactement? Question judicieuse, car du côté des Afghans, qui en principe ont pris les armes contre les talibans, ou s'apprêtent à le faire, il y a plusieurs tendances. Oui, selon l'appartenance tribale à tel ou tel chef de guerre. Oui, ça n'est pas toujours très clair. Parce que ces gens-là ne s'entendaient pas entre eux et demeuraient même parfois des ennemis jurés. Alors essayons quand même de faire le tri. Le premier seigneur de la guerre impliqué dans la traque de Ben Laden était Hazrat Ali, membre de l'ethnie minoritaire des Pachali. C'était le lieutenant du général qui avait remplacé Massoud à la tête de l'Alliance du Nord. Oui, après l'assassinat de Massoud le 9 septembre. Hein. Puis, il avait été nommé ministre régional de la sécurité dans la région de l'Est. Il était très appuyé par la CIA. Seul point noir, il avait un rival de poids, Abdul Qadir. Ah, qui était celui-là? Haji Abdul Qadir était le leader des tribus pachtounes de l'Est de l'Afghanistan. Et à l'occasion de la défaite des talibans, il est devenu ministre régional de la guerre et gouverneur de la province du Nangarhar. C'est-à-dire qu'il a récupéré son fief? C'est à peu près ça, oui. Ouais. À Tora Bora, Qadir est représenté par son fils, Zahir, un moudjahidin encore inexpérimenté. Très proche de Qadir, il faut aussi parler d'un certain Moudjahid Khalees. Lui, c'est le fils du vieux tchèque Younis Khalees. Comme son ami Qadir, c'est un membre important du parti, le Hezb Islami. Et si je me souviens bien, là, c'est le parti de ce personnage très inquiétant, hein, Gulbuddin Hekmatyar. Inquiétant, vous avez raison, car il a joué un rôle trouble avec le régime des talibans. Et surtout, c'est un homme qui a soutenu Ben Laden, comme le vieux Younis Khalees, qui a accueilli le chef d'Al-Qaïda à bras ouverts lorsqu'au printemps 96, celui-ci est revenu en Afghanistan. Donc si je comprends bien, pour capturer Ben Laden, on fait appel à des chefs de guerre qui ont longtemps sympathisé avec lui. C'est la vérité. Et c'est aussi la preuve que les Américains ne voyaient pas très clair dans l'imbroglio afghan et qu'ils ignoraient le poids réel des fidélités et des allégeances. Mais il me faut encore vous parler d'un quatrième chef, Haji Zaman, qu'on appelle aussi Mohamed Zaman Gam Sharik. Un homme aussi peu fiable que les autres. Et pour quelle raison celui-là? Officier de l'armée afghane, il a participé au djihad contre les soviétiques. Puis, après le départ de l'armée rouge, il s'est reconverti dans le trafic de drogue. Mais il a été ensuite chassé par les talibans et s'est réfugié en France, à Dijon, plus précisément. Ah bon, Dijon. Ouais, c'est là que les Américains sont venus le chercher pour reprendre le combat contre les talibans. Et pourquoi lui? Parce qu'à Tora Bora, il est chez lui, Sa tribu est un sous-groupe pachtoun implanté entre Jalalabad et la frontière pakistanaise. Ouais, il connaît donc lui aussi parfaitement les lieux. Et c'est ce Zaman qui a tenté d'expliquer aux Américains qu'il convenait d'abord d'encercler hermétiquement le massif de Tora Bora avant de bombarder. Mais il n'a pas été écouté. C'est certain. Toutefois, je vous reparlerai de lui parce qu'on peut se poser quelques questions à son sujet. Mais bien sûr, n'allons pas trop vite. Si vous le dites. Tous ces chefs de guerre afghans là, disposent donc de combattants. Oui, chacun possède sa petite armée ou sa milice. Mais existe-t-il une coordination entre tous ces chefs? Ils se sont rencontrés à Jalalabad dans le cadre d'une choura. Oui, ça, une choura, c'est une assemblée traditionnelle. Et ils ont décidé la création d'un triumvirat chargé de diriger les opérations. Mais il existait entre eux tant de rivalités, parfois ancestrales, que l'accord a vite volé en éclats. Et fondamentalement, pourquoi? Parce que dans cette affaire, chaque clan ne pensait qu'à ses intérêts, c'est-à-dire profiter de cet engagement pour marquer des points ou bénéficier de la manne généreuse des Américains, sans compter que ces chefs afghans ne nourrissait aucune acrimonie contre Ben Laden, qui avait été autrefois leur camarade de combat. Ben, contre les Soviétiques. Mais il y avait aussi la prime promise par les Américains, je crois. 25 millions de dollars pour la capture de Ben Laden. Mort ou vif, comme autrefois dans l'Ouest américain. Mais faut pas oublier non plus que Ben Laden était riche et pouvait largement récompenser ses soutiens. Maintenant, je vous l'ai promis. Voyons quelle force la coalition a mobilisé pour conduire l'attaque aux côtés des chefs de guerre afghans, sous l'autorité du général Tommy Frank, chef du commandement central. Mais je vous reparlerai de ce général qui était la courroie de transmission entre le terrain et la Maison Blanche. Et donc directement de George Bush. Hein. Et de ses principaux collaborateurs qui sont pour la plupart des faucons. Des néocons, néoconservateurs. Oui, dans cette affaire, il porte une lourde responsabilité, mais enfin un peu de patience. Alors le terrain. Il y a d'abord, je vous l'ai dit, quelques agents de la CIA. Leur chef s'appelle Gary Bernstein. On lui a confié la réalisation de l'opération Jawbreaker. Ouais, briseur de mâchoire. Oui, un nom de code parfaitement limpide. L'objectif qui lui a été assigné est d'empêcher à tout prix la fuite de Ben Laden. Et c'est lui qui le premier a demandé le déploiement de 800 Rangers sur la frontière pakistanaise afin de couper la route au chef d'Al-Qaïda s'il voulait fuir. Mais demande rejetée. Ah, et pour les raisons fallacieuses ou pas que je vous ai déjà exposées. À côté de ce petit groupe de la CIA, on trouve ce que les Américains appellent une task force. Oui, une sorte de commando. Entraînée et efficace, baptisée Dagger, c'est-à-dire poignard. Cette équipe est commandée par le général Mulholland et regroupe 75 hommes issus des forces spéciales, auxquels s'est joint un petit contingent des services secrets britanniques. Et quel va être le rôle de cette task force Elle doit diriger depuis le sol les attaques aériennes, mais aussi orienter les offensives des combattants afghans. Pour ce faire, elle se déploie sur le terrain par petites équipes à partir du début du mois de décembre. Cependant, les Américains ont envoyé sur place une autre équipe, la Delta Force, une unité très secrète des forces spéciales, spécialisée dans la lutte antiterroriste. Son chef, un certain Dalton Fury, un pseudonyme certainement, a exigé en vain que des hélicoptères larguent des mines antipersonnelles dans les passages permettant la fuite éventuelle des assiégés. Et si je comprends bien, lui non plus n'a pas été écouté. Et il me faut enfin mentionner un quatrième groupe, le Special Boat Squadron, équivalent britannique de la Delta Force, composé de 70 hommes placés sous commandement américain. Ce qui ne va pas sans entraîner quelques difficultés. Des rivalités? Oui. Les Britanniques ont très bien compris que leurs homologues américains veulent s'arroger la gloire d'avoir capturé Ben Laden. Oui, à condition de le pouvoir. Bien entendu. Et ça vexe les soldats de sa gracieuse majesté. C'est allé si loin que ces militaires britanniques, ayant obtenu un tuyau sur la localisation de la planque de Ben Laden, n'auraient pas bougé, ni même informé les Américains. Eh ben, mais est-ce que la multiplication de toutes ces équipes-là ne conduisait pas à la confusion? Vous voulez dire que tous ces gens surentraînés risquaient de se marcher sur les pieds? Eh bien oui. Oui, ça ne pouvait qu'aboutir à la confusion, d'autant qu'au sommet... La Maison Blanche. Oui, d'autant qu'au sommet, on était peut-être plus persuadé de l'impérieuse nécessité de capturer Ben Laden. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Renaud Girard, grand reporter du Figaro, a longtemps travaillé en Afghanistan et au Pakistan. Il a en particulier rencontré les chefs afghans impliqués dans la traque de Ben Laden à Tora Bora. Auteur d'un ouvrage, Retour à Peshawar, il livre dans le Figaro en 2002 une information exclusive qui éclaire l'attitude équivoque de ces seigneurs de la guerre. Au début du mois de décembre, en pleine bataille, un commandant respecté de Jalalabad, nommé Mujahid Khalees, se rend pendant la nuit avec une douzaine de véhicules 4x4 dans le massif de Tora Bora afin d'exfiltrer vers les zones tribales pakistanaises le plus grand nombre possible de combattants arabes. Personne ne songera même à l'inquiéter. Il est intouchable car il est le fils du vieux tchèque Younous Khalees, le chef historique du Hezb Islami, l'un des 7 grands partis de la résistance afghane contre l'armée rouge. Younous Khalees, jadis très proche des Saoudiens, est l'homme qui invita Ben Laden à s'installer à Jalalabad en mai 1996, quelques mois avant la prise du pouvoir par les talibans. Qu'avez-vous voulu insinuer? Bush ne désirait plus s'assurer de la personne de Ben Laden? Écoutez, j'y reviens dans un court instant. Voyons maintenant ce qui se passe dans ces premiers jours de décembre, tandis que les combattants afghans, alliés de la coalition, se préparent en principe à donner l'assaut dans les montagnes de Tora Bora. Les bombardements se poursuivent à un rythme insensé. Les Américains utilisent notamment une bombe de 7 tonnes appelée la faucheuse de Marguerite. Ouais, c'est poétique. Mais ça cache une réalité assez effroyable. Lorsqu'elle explose, cette bombe permet instantanément de dégager un terrain grand comme une aire d'atterrissage. Il y a tout lieu de penser que les gens de Ben Laden ont dû être terrorisés. D'ailleurs, certains d'entre eux, enfermés plus tard à Guantanamo, ont parlé d'hommes littéralement vaporisés ou de grottes immédiatement transformées en brasiers. Et que sait-on, le mot est terrible, hein, il faut bien l'utiliser, de l'efficacité globale de ces bombardements? Contre toute attente, il semble bien que malgré les nombreux morts qu'ils doivent déplorer, entre 200 et 300, les hommes de Ben Laden tiennent bon. Mais à l'évidence, ça ne pourrait pas durer très longtemps. D'autant que les combattants afghans, malgré leur désorganisation, progressaient et acculaient de plus en plus les assiégés. Mais heureusement, pour Ben Laden et les siens, le ramadan venait de commencer et les combats s'arrêtaient au coucher du soleil, au grand mécontentement des Américains qui voyaient chaque soir les Afghans regagner leur camp de base pour le repas de fin de jeûne et la prière. Ce qui accordait un répit aux hommes d'Al-Qaïda. Évidemment. Ouais. Est-ce que dans le camp de la coalition, là, à ce moment-là, on possède des informations sur Ben Laden lui-même? Eh bien, d'après certaines sources, il se serait enfui avant même la campagne de bombardement. Mais le 11 décembre, Bernstein, l'homme de la CIA, intercepte un message radio qui lui indique, sans risque d'erreur, que Ben Laden est toujours présent à Tora Bora. Ouais. Combien de temps va durer la bataille de Tora Bora? Elle va se terminer le 16 décembre. Mais dès le soir du 12, un des chefs afghans, Zaman Gamsharik, informe les Américains que les survivants sont prêts à se rendre et demande un arrêt des bombardements. D'ailleurs, ses propres combattants redescendent déjà de la montagne. Et parce qu'ils considèrent que la lutte est terminée. Apparemment. Ouais. Et comment réagissent les Américains alors? Ils sont loin d'être aussi confiants, mais ils donnent quand même l'ordre de cesser provisoirement le feu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter des tirs fratricides. Mais ça ne les empêche pas de scruter la montagne tout au long de la nuit. Et que voient-ils alors? Rien. Et c'est ça qui les inquiète. Car aucun combattant d'Al-Qaïda ne descend pour se rendre. C'est ça. Et au petit matin, lorsque des commandos américains font l'ascension de la montagne, ils ne trouvent que quelques tireurs isolés restés sur place pour ralentir la progression des assaillants et protéger la fuite de leurs camarades. Oui, parce que le gros de la petite troupe de Ben Laden s'est échappé. Pendant la nuit, oui. Cette proposition de reddition était donc un piège? Assurément, avec la complicité presque certaine de ce chef. Zamam. Il a été rétribué? C'est probable. En tout cas, les fuyards ont profité de la calmie de la nuit. Et les Américains n'ont rien vu. Ils vont quand même poursuivre les bombardements pendant 3 jours. Au cas où il y aura encore des combattants cachés. Oui, mais le 16 décembre, c'est terminé. Et dès le 19, ils vont décamper. J'imagine qu'ils ont dû chercher parmi les cadavres, là, s'il se trouvait celui de Ben Laden. Bien sûr, c'était la priorité. Des analyses ont été pratiquées, mais il a fallu se résoudre à admettre la vérité. Ben Laden avait filé. Sans doute vers la frontière pakistanaise et par des chemins qu'il connaissait parfaitement pour les avoir fréquentés à de maintes reprises lorsqu'il résidait près de Tora Bora. C'est donc un grave échec pour les Américains. Et un formidable succès pour Ben Laden, même s'il a été obligé de fuir et qu'il a perdu un bon tiers de ses combattants dans la bataille de Tora Bora. Car il pourra clamer qu'il a échappé à l'armée la plus puissante du monde. Ouais. Il s'est ensuite réfugié au Pakistan. Et d'abord dans les fameuses zones tribales où il comptait de nombreux partisans. Oui. À votre connaissance, il n'a plus bougé du Pakistan ? On peut le penser. Jusqu'au mois de mai 2011, où l'assaut a été donné contre sa ville-là. Puis-je vous rappeler qu'il y a assez peu de temps, vous m'aviez dit qu'à votre avis, Ben Laden était mort depuis un certain temps. Oui, bon, je le reconnais, je me suis trompé. Mais je n'étais pas le seul. Ce qui m'avait convaincu, c'était qu'il n'avait plus jamais été filmé. Il avait donc abandonné cet outil de propagande à son adjoint, Zawahiri. Et ça m'étonnait. En tout cas, si je reconnais que je fais une erreur, je crois aussi que Ben Laden était dans une condition physique déplorable. La preuve en a été apportée par les vidéos qui ont été saisies dans sa ville-là. Le fier combattant des maquis afghans était devenu un vieillard assez pitoyable. Oui. Dernier point. Vous avez laissé entendre que Bush n'était plus aussi attaché à obtenir la capture de Ben Laden au moment de Tora Bora. Je n'invente rien. Miers, un général états-unien, pas n'importe lequel puisqu'il s'agissait du chef d'état-major de l'armée, a laissé échapper en mars 2002 que l'objectif de la bataille de Tora Bora n'était pas de capturer Ben Laden. Mais pourquoi ? Parce que la Maison-Blanche avait tourné la page. Le nouvel objectif, c'était l'Irak. Et Bush avait déjà demandé au général Tommy Franks, celui-là même qui coordonnait en principe la bataille de Tora Bora, de préparer un plan d'attaque contre Saddam Hussein, au nom de la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Alors au fond, c'est donc à Saddam Hussein que Ben Laden doit avoir vécu 10 ans de plus ? Ah, j'en suis persuadé. Vite, pour terminer, quelques livres. Vérité, mythologie du 11 septembre de Richard Labévière. La face cachée du 11 septembre d'Éric Laurent. Dommages collatéraux de Seymour Hersh. Plan d'attaque de Bob Woodward. Et encore, Oussama, la fabrique d'un terroriste de Jonathan Randall. Et les 9 vies d'Al-Qaïda de Jean-Pierre Filiou. Les références de ces ouvrages, bien sûr, vous les trouverez sur franceinter.fr. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé comme d'habitude cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et illustrée musicalement par Monsieur Djoub.